¡Hola! ¡Yeah! L'international Sambangwana vous parle depuis Paris. Yeah! Malheureux imitateur. Aïe aïe aïe maman la gueule. Nalani Maria, na pari te bola, Maria te bo te bola, samuna mboko moni noge Maria e. I love you Maria te bo te bola. I love you Maria te bo te bola. Te bo te bola. Te bo te bola. Give you love to te bola. Maria te bo te bola, oh darling. Voiture à Toulouse. Yeah. Giringiri mon frère.

Mananga. Thank you.

Bafouzam. Allô, allô, Amina. Radio Bafia. C'est ça. Aha. Manalo Bay. Quand tu tombes, poisson à la braise.